Ah, le site de la colle, en fait, attends. Ouais, que je dois avoir une photo de la colle à bois en fait, mais j'ai ici de. Il faudrait un étau spécial pour pas casser le. Enfin bon, en fait, je préfère que ce soit fait par un luthier, quoi, professionnel. Mais je me demandais combien ça coûte, ça me coûterait quoi. En général. Tirebon.com. Ouais, je suis sur le site et qui est bon et je tombe sur une photo d'une imprimante, d'une machine à écrire. Hein. C'est normal, c'est ça ou pas? J'ai pas mis index en fait, tout ça. C'est tire-bon. Par contre, j'ai mis tire-bon.com, ça tombe sur. C'est chiant, on peut pas copier les liens en fait. Faut le taper manuellement en fait. Ok. Guitar Shop. Attends, CTRL-C pour voir si ça marche. En fait, faut arrêter de d'écrire. Hein. Je copie le truc. Voilà. Ah oui, je voulais savoir niveau guitare électrique. J'aimerais changer en fait les micros, c'est une Stratocaster. J'ai enfin une imitation et c'est pas trop chiant à changer de micro. C'est des micros simples et j'aimerais changer avec des micros doubles.